Est-ce que je suis là? Qu'est-ce qui se passe? Viens dans une de ces impasses où mes soucis me suivent à la trace. Pris en chasse par l'angoisse, l'enfer m'observe avec son regard de fer. Sans merci, les nuages envahissent le ciel, avorte tout éclairci. Sans cesser pied, il fait sombre et la pluie tombe en trombe à mes pieds. Les chevilles sciées, noyées dans des flaques de larmes ou de sang. Je tire l'alarme, ce que je ressens est indécent. Je peux comparer mes espoirs à décembre. En cette nuit noire de décembre, j'ai l'impression de me tenir sous une falaise et de subir les chutes de roc de mon univers déchu. L'impasse est de plus en plus étroite, des slaloms se forment alors que je la croyais droite. De plus en plus de mal à progresser, agressé par un armageddon qui m'est adressé. Un mur qui s'est dressé, qui m'a en stressé, fait tous mes nerfs se tresser. Assailli par une fièvre dévastatrice, qui enivre mes plaies, dégrafe mes cicatrices. Le front perlé, je déambule vers les décombres, les ruines de ma courte existence après l'hécatombe. J'entends des cris d'horreur, c'est mon corps tout entier qui appréhende son heure, craint la mort et ce sentier. L'abandon de mes tendons, la rupture, mes ligaments. Sans médicaments, j'oublie mon futur délicatement. Mes paupières se touchent, s'élèvent mes pupilles. Cette douche de glace que mon âme subit, tout s'accélère, un jeune homme perdu dans des tourments, avec le diable tournant, c'est ça que j'ai l'air. Le bitume se trouve et des gouffres se forment. Cœur sous écrou dans une prison hors norme. Brusquement mes yeux s'ouvrent en sursaut. Ce n'était que le cauchemar, la pessimiste endurcie en sursis. Soulagé, mes yeux se portent sur la fenêtre. Et je me vois sur cette impasse du vertige en train d'écrire cette lettre.